Bonjour à tous, nous sommes heureux d'inaugurer aujourd'hui les 3e journées de réflexion sur la démocratie participative organisée à l'initiative de la mairie de Bobigny. Alors nous avons plusieurs invités, Madame Renée Huguet, membre du conseil municipal de la commune de Gradignan, Monsieur Frédéric Lamarque, chercheur au CNRS, et Monsieur Yves Michel de l'association Attaque qui remplace Madame Odile Levallois, souffrante. Nous regrettons d'ailleurs vivement que Madame Levallois n'ait pas pu se joindre à nous. Alors tous les trois, vous allez débattre sur le thème du budget participatif. Pas d'intervention initiale, nous préférons, puisque vous avez tous des parcours professionnels et politiques vraiment différents, que vous entriez tout de suite dans le vif du sujet. Je vous demande également, afin que le débat soit plus vivant, d'être très bref dans vos interventions. Eh bien, je donne maintenant la parole à Yves Michel. Alors, quoi dire tout d'abord ? Eh bien, je suis très heureux d'intervenir sur un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps, et d'être confronté, pour ainsi dire, à des personnes que je connais très bien et que j'estime, même si nous ne partageons pas toujours les mêmes idées en matière de politique. Alors, pour commencer, je voudrais que nous revenions sur le principe démocratique à la base du budget participatif. Faire participer le plus possible les citoyens à la vie politique. Le budget participatif est né, vous le savez, au Brésil, à Porto Alegre pour être plus précis, de la ténacité de quelques dirigeants politiques qui exigeaient la création d'un minimum d'infrastructures. Alors, municipalités et populations en sont venues à travailler main dans la main. Et il est indéniable que cela a permis, d'une part, de rentabiliser au maximum le budget municipal, et d'autre part, de mobiliser toute la population, y compris celle des faubourgs les plus démunis. Attendez, je vois où vous voulez en venir. Et pour ma part, je ne crois pas du tout qu'on puisse comparer la réalité d'une ville comme Porto. Écoutez, madame, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il est bien évident qu'il y a une différence entre le Brésil et la France. Mais est-ce que ça signifie qu'une participation directe des citoyens est impossible en politique, sur notre vieux continent ? Si vous le permettez, je crois qu'il faudrait d'emblée que nous précisions deux choses. La première, c'est que la gestion participative permet de décider d'une manière totalement démocratique et transparente à quoi va servir le budget municipal. Et ça, c'est important. Il s'agit de l'argent du contribuable. Et la deuxième, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de décider des grands projets d'urbanisme, mais aussi des manifestations culturelles et de l'infrastructure des services sociaux. Bref, toute la vie de la municipalité. Eh bien, justement, parlons-en. Je ne suis pas d'avis qu'il faille toujours tout négocier à tous les niveaux, bien que je croie en la démocratie. Je pense que c'est une perte de temps et d'énergie. Il est à mon avis impossible, voire peu souhaitable, que toutes les décisions soient prises collectivement. Et d'ailleurs, il est probable que ces décisions n'auront qu'une valeur relative si les citoyens n'ont pas les connaissances et les informations suffisantes. Mais voyons, madame, soyez sérieuse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle d'établir, de créer des rapports directs entre les municipalités et les citoyens. Et ainsi, d'établir les besoins, de fixer les priorités en tenant compte des souhaits de tous.